Ah, je disais qu'on est toujours dans la semaine de la Saint-Valentin. Dimanche dernier, j'étais supposé apporter le partage sur le thème de la Saint-Valentin. C'est pas trop tard pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin. Pas besoin. De nos jours, on dit que ce n'est plus la fête des amoureux, mais la fête de l'amitié. Enfin, on peut dire n'importe qui, hein? Joyeux Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et puis, il y avait eu juste un petit malentendu. Jean-François devait apporter la parole ce matin, et moi dimanche passé, pour la Saint-Valentin. Et puis, comme Jean-François avait invité de ses amis à venir l'entendre le dimanche matin, j'ai dit, ben Jean-François, vas-y, prends dimanche passé. C'est lui qui a apporté la parole, c'était excellent. Hein? Vous avez apprécié le partage de Jean-François beaucoup. Donc voilà. Donc ce matin, écoutez, là, j'ai passé des heures à préparer ça, là. Hein? Je me suis dit, c'est pas pour gaspiller ce partage-là. Ça arrive des fois. oui, on est dans la semaine de la Saint-Valentin. Alors, joyeuse Saint-Valentin. On l'a exprimé ce matin par nos hugs, par nos gros câlins. J'aimerais, avant qu'on commence le partage de ce matin, qu'on écoute une chanson, un chant interprété par Louise Benoît. Je regrette que Louise Gay ne soit pas là parce que c'est une bonne amie de Louise Gay. Et puis, mais Louise Benoît est une chansonnière qui chante moins depuis ces dernières années-là. Il y a eu un temps où elle chantait fréquemment. Et puis, donc c'est une très bonne amie. J'apprécie bien avec son mari Stéphane, qui est le frère de Christian Dubuc. Okay? Donc, Stéphane Dubuc, Louise et Mariotte Stéphane. Alors, on va écouter cette chanson. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu serviras. Toute ta force, et avec sa force, tu t'élanceras dans la course qui t'est proposée. Ne te relâche pas. Nos ressources sont en toi. Rien ne manque à ceux qui te servent de tout. Et qui te donne avec joie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu serviras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta force. T'élanceras dans la course qui t'est proposée, ne te relâche pas. Sans Dieu. tout ce qu'il met dans tes mains, redonne-lui et il te redonnera. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Je pars. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu serviras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta force. C'est un sermon en soi-même. Hein? On pourrait le réécouter, puis ce sera un sermon. Et c'est le partage. Parce qu'il y a tellement de belles vérités par rapport à adorer Dieu, aimer Dieu, adorer Dieu de tout son cœur. Et aimer Dieu de tout son cœur, ça se traduit par des gestes, par des actions. Ce matin, donc, on va parler de l'adoration comme mode de vie. Et notre texte dont je vais me servir, c'est Jean chapitre 4, versets 21 à 24, dont on connaît déjà la teneur du verset. « Crois-moi, lui dit Jésus. » Hein? Jésus parle à la Samaritaine. « L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer Dieu ou adorer le Père. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes, des femmes, qu'il adore ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adore par l'Esprit et en vérité. » Et ce matin, on va juste poser les deux mots, aimer et adorer, en suggérant que aimer Dieu, c'est adorer Dieu. Pas adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Qui n'a pas déjà dit à quelqu'un, au lieu de lui dire « je t'aime », ou peut-être j'avais dit « je t'aime, je t'adore », hein, qui n'a pas déjà dit ça à quelqu'un? Ou peut-être, un petit peu plus pointilleux, qui n'aurait pas aimé à ce que quelqu'un vous dise « je t'aime, je t'adore hein? ». On va le dire, hein? On va parfois changer le mot l'un pour l'autre, de dire à quelqu'un « je t'adore » ou « j'adore quelque chose ».« Ah, j'adore cette chanson » ou « j'adore hein, telle chose ».« Je t'aime, je t'adore ». Nicolas Ciccone, lui va chanter « Je t'aime pas, je t'adore. » Hein? Comme si le mot « adorer » est encore plus fort. « Je t'aime pas, mais je t'adore. » Hein? C'est donc la place, tu as une place importante dans ma vie. Alors, on connaît le schéma Israël, hein, de Deutéronome, 6, verset 4 à 5, hein, tous les Israélites connaissent les pratiquants du moins connaissent le schéma Israël. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Hein, » c'est ce que Louise a chanté. C'est pourquoi que je disais, en partie, c'est sa composition, parce qu'elle a quand même puisé dans la Bible certains textes, pour ensuite ajouter d'autres paroles. Mais, le schéma Israël, « Tu adoreras Dieu de tout ton âme, tout ton cœur, toute ta force. » J'ai déjà cité ce verset-là aussi, dans le Nouveau Testament, en ajoutant « Et ton prochain comme toi-même, l'amour. » Alors, il y a beaucoup d'adorateurs. Il y a différents modes d'adoration aussi. Il y a des séminaires même qui se donnent sur l'adoration, comment adorer Dieu. Donc, il y a beaucoup d'adorateurs, de religions, beaucoup de variétés de christianisme. Mais Jésus dit que le Père recherche des hommes qui l'adorent, par l'esprit et en vérité. En fait, sans créer de polémique, la question se pose, est-ce que je suis un adorateur dans le mode que le Père recherche? Un adorateur qui adore en esprit et en vérité le Dieu, Créateur et Seigneur, qui est l'Esprit. Donc, ce matin, dans 20 minutes, passer au travers de cette réflexion, je me propose, on va être un peu technique ce matin, mais je me propose d'aborder le thème de l'adoration sous l'angle de la théologie et poser la question, qu'est-ce que l'adoration? Puis, à partir de l'étude de deux mots qui apparaissent le plus souvent en rapport à l'adoration, je vais vous proposer une définition de l'adoration. Je vais vous proposer, à vous de juger, si la définition que je vais donner de l'adoration vous plaît, elle vous convient. Je propose l'adoration. Je vais terminer par cette même phrase. Je propose que l'adoration est plus qu'une prière ou une forme de prière. Qu'est-ce que l'adoration? Deux mots, deux termes dans le grec traduisent l'adoration. On se sert de deux mots. Deux verbes, dont le premier, c'est « proskynéo », qui veut dire « se prosterner », oui. Donc, sur des reliefs, des reliefs égyptiens, on peut voir des adorateurs qui lancent des baisers, approchent leur divinité locale. Donc, « proskynéo » veut aussi dire « embrasser ». Chez les Grecs, c'est un terme technique pour le geste de l'adoration, la vénération des dieux. Le terme pouvait donc désigner le geste de tomber devant, on le voit sur des reliefs, donc, des gens qui tombent devant, qui se prosternent, qui s'agenouillent devant une divinité, donc se prosterner par terre et vénérer sur ses genoux. Puisque le Dieu d'Israël est adoré sans image, il est hors de la portée des adorateurs, alors proskynéo conserve le sens de prosternation physique, dont dans Exode 12, verset 27, quoique cela soit compris comme une prosternation devant l'autorité de celui qui est exalté. Donc, ce n'est pas seulement se prosterner devant, mais il y a une prosternation devant son autorité. C'est de reconnaître l'autorité de cette divinité sur soi. Par l'agenouillement ou la prosternation, l'adorateur rend hommage et déclare son obéissance. Il veut obéir à cette divinité. 59 fois dans le Nouveau Testament, dont 24 fois Dans le livre de l'Apocalypse, on se sert du terme proskynéo. Le sens du terme dans l'Ancien Testament est développé dans le Nouveau Testament et dénote dans le Nouveau Testament exclusivement l'adoration adressée à Dieu ou à Jésus-Christ, pas des hommes, mais à Dieu et à Jésus-Christ. Dans Actes 10, 25, par exemple, lorsque Pierre rencontre Corneille, Corneille veut se prosterner devant Pierre, puis Pierre dit non. Non, non, non, relève-toi, je suis un homme comme toi. Dans l'Apocalypse 19, 10, lorsque Jean, à deux reprises, veut se prosterner devant un ange, puis l'ange refuse en disant non, tu adores Dieu seulement, pas moi, mais moi je suis seulement un messager, c'est Dieu que tu dois adorer. Lorsque la seigneurie de Jésus est reconnue, on se prosterne devant lui. Satan, dans la tentation, hein, l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, Satan veut renverser l'ordre des choses et demande l'obéissance de Jésus par cet acte de prosternation, d'adoration. Par ce fait, il se montre l'adversaire de Dieu, parce qu'il enlève ce qui revient à Dieu pour le prendre pour lui-même. Dans le dictionnaire théologique du Nouveau Testament, en anglais, qui a été dirigé par Colin Brown, sur la définition de ce mot et de l'usage du mot contextuellement dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ce théologien Colin Brown va dire ceci. Dans ce contexte, l'obéissance est un signe de la nature fondamentalement religieuse de l'homme. Son adoration montre qui est son Dieu. Soit le vrai Dieu ou des idoles, des démons, Satan lui-même. Car la relation de l'homme avec Dieu s'exprime principalement par l'adoration. L'appel, je trouve intéressant, l'appel à la conversion peut être formulé « adore Dieu ». Au lieu de dire « hey, convertis-toi », Colin Brown est en train de dire qu'on peut dire « adore Dieu ». Parce qu'adorer Dieu, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Alors, l'appel à la conversion peut ainsi être formulé « adore Dieu ». C'est-à-dire, reconnais-le dans toute sa puissance et sa gloire comme créateur et juge. Confesse ses droits et ses prises exclusivement souveraines sur toi. Dans l'Apocalypse 14, verset 7, l'ange va dire, hein, « Révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. » Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Donc, on pourrait actualiser les termes juge et jugement dans le sens que Dieu est l'évaluateur de nos vies. Puis il va y avoir un jour où nous serons tous évalués en rapport à la place que Dieu a tenue dans nos vies et à son projet pour nos vies. Lorsque utilisé de façon absolue, le terme proskynéo veut dire aussi participer dans l'adoration publique, offrir des prières. Par exemple, dans Jean 12, 20, il dit « Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait quelques personnes non-juives. Hein? » Donc, les gens s'étaient rendus à Jérusalem pour adorer Dieu, s'étaient déplacés. Fait que oui, l'adoration peut prendre une forme de prière, mais il y a quelque chose qui est derrière ce geste. En résumé, on pourrait dire que proskynéo, c'est que, en plus de l'acte extérieur de se prosterner en adoration, le terme dénote l'attitude intérieure qui correspond, c'est-à-dire l'obéissance. L'hommage qu'on rend à un souverain. Le deuxième mot, latruo. Deuxième verbe dont on se sert pour parler de l'adoration. Ce verbe est utilisé dans le sens d'un travail avec ou sans rémunération. Dans l'Ancien Testament, il traduit le mot « abad » qui veut dire « servir ». On sent ça, par exemple, dans Exode 4, 23, 7, 26. Hein? Donc, souvent, dans le livre de l'Exode, on retrouve le verbe. Moïse va dire au Pharaon, au nom de Dieu, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, la troulo. Hein? Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » C'est servir. Le mot, hein, dans l'histoire du peuple d'Israël, va prendre la signification du culte qu'on rend à Dieu. Toutefois, dans l'Ancien Testament, dit bien que ce n'est pas le culte cérémoniel qui est la véritable adoration de Dieu, mais l'obéissance qui jaillit de notre gratitude pour l'action salvatrice de Dieu dans l'histoire, dans nos vies. Croire que l'obéissance n'exclut pas le rituel de l'adoration, parce qu'il y a des rituels. Hein? Comme on a vu que les gens se rendaient à Jérusalem pour adorer, il y avait un culte d'adoration. Mais l'acte, l'action, le rituel que l'adoration peut prendre est inutile s'il n'y a pas sous-jacent à cette action-là une attitude de l'adorateur. Le Deutéronome 10, verset 12 dit: Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Dans le judaïsme, le mot a pris le sens du culte à rendre au véritable Dieu ou aux idoles. C'est ainsi que la tradition rabbinique interprète le Deutéronome 11, 13, Daniel 6, 11. Ils vont dire que servir Dieu, c'est de prier Dieu. Le Deutéronome 11, 16 va dire par exemple, « Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte ou vous prosterner devant eux. » Parce que prosterner devant eux serait de reconnaître, hein, leur souveraineté sur leur vie. Les 21 cas du Nouveau Testament sont utilisés dans le sens religieux. Que lorsqu'on parle dans le Nouveau Testament de servir Dieu, toujours dans un sens religieux. Hébreux 9, 14, 12, 28, on peut donc interpréter ces deux passages-là de la façon suivante. « Seulement ceux dont la conscience a été purifiée et rendue à la vie par Christ, seulement ceux qui ont été reçus dans la vraie communion de Dieu peuvent adorer Dieu comme il convient, avec révérence et avec une crainte respectueuse. Quand Paul, dans ses lettres, veut décrire la marche chrétienne, le comportement du chrétien, il va se servir du terme latréa. Romains 12, 1, qu'on devrait, hein, sans doute tous connaître. Romains 12, 1 qui dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un latréa, un culte spirituel. » Le fait, non seulement de verbaliser notre adoration, mais que derrière la verbalisation de notre adoration de Dieu, nos prières, il doit y avoir le comportement, le don de nos vies. Je relis le verset encore. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte, une adoration agréable à Dieu. » En résumé, l'adoration, sous le terme latruo, L'adoration est vue ici comme un service, être au service de Dieu. Je suis un adorateur non seulement parce que je me prosterne et que je reconnais sa souveraineté et que j'ai une obéissance à lui, je veux lui plaire. Mais aussi, je me mets à servir Dieu. C'est pourquoi que j'aimais la chanson de Louise. Et que, parce que Louise, dans son chant, elle parle de servir Dieu, de se mettre en marche, de s'engager dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour ma vie, mais le projet de Dieu pour l'ensemble de la création. Donc, la réponse à la question « Qu'est-ce que l'adoration ?» On a débuté en se posant la question « Qu'est-ce que l'adoration ?» Je résume. Je reviens avec cette même phrase du début. L'adoration est plus qu'une prière. J'ai aimé que ce matin, plusieurs de nos chants parlaient d'adorer Dieu. Hein? On n'a pas communiqué, Michel et moi, ensemble. On a chanté combien de fois le petit refrain? Adorer, adorer, c'est, hein? C'est pas le refrain déjà qu'on a chanté là? Je veux t'adorer tout mon cœur, etc. Ça, c'est revenu. On l'a chanté peut-être combien de fois là? Trois, quatre, cinq fois. Ça revenait d'adorer Dieu. On l'a dit, on l'a chanté. Mais ce que je vous propose, parce qu'il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu, Jésus dit, le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, oui, et en vérité. En vérité, dans le réel, dans le concret. Alors l'adoration est plus qu'une prière ou une forme de prière. Avant d'être une forme de prière, l'adoration est premièrement une reconnaissance du droit de Dieu sur ma vie, son droit souverain. Reconnaître Dieu comme le souverain de ma vie. Deuxièmement, une reconnaissance de notre statut de serviteur envers Dieu, envers le projet de Dieu. Je suis ton serviteur. C'est Jésus qui dit après avoir tout fait ce que vous devez faire. On n'a pas à se glorifier puis dire, hein, j'en ai fait pas mal. Mais Jésus va dire, après avoir tout fait ce que le maître vous a demandé de faire, dites-vous, je suis encore un serviteur inutile. Parce que mon statut est de servir Dieu. Servir au dessein de Dieu. Alors, nous pourrions affirmer, je vais poser la question plutôt. Je vais poser la question pour nous faire réfléchir. Okay? Louis chantait dans son chant, c'est pour ça que je le dis, c'est un sermon en lui-même. On aurait pu le réécouter plusieurs fois. Louis chantait « Ne te relâche pas, ne te relâche pas. » Tu serviras, tu aimeras, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Ne te relâche pas. Pourrions-nous affirmer qu'il est inutile de vouloir adorer Dieu verbalement? Hein? Je parle de l'adoration sous une forme de prière. Lever des mains, faire toutes sortes de s'imagrer, me prosterner. C'est des gestes, c'est des rituels qui sont bons. J'aime me prosterner. C'est arrivé dans certaines réunions où dans lesquelles j'ai participé, où toute l'assemblée se prosternait, tellement il y avait une ambiance d'aimer Dieu, puis de se prosterner devant lui. Puis, parfois, on a envie de lever les mains, de dire, oh Dieu, tu prends-moi, puis seulement de le contempler. Et tout ça, c'est des rituels. Mais ces rituels-là sont vains ou inutiles C'est là la question que je pose. Pourrions-nous affirmer qu'il est inutile de vouloir adorer Dieu sans accepter sa souveraineté, sans reconnaître sa souveraineté dans ma vie? Pourrions-nous affirmer qu'il est inutile de vouloir adorer Dieu sans accepter d'être à son service et au service de son projet pour nous, pour son peuple, pour sa création? Parce que Dieu nous veut non seulement au service de la communauté et du quartier, mais il nous veut aussi au service de sa création. Je propose que peut-être. Je donne ça pour plus tard. Je propose que ce soit là deux prérequis que tout adorateur doit remplir pour connaître la joie et l'épanouissement d'être un adorateur selon que le Père cherche. Le Père cherche des adorateurs. Des gens qui reconnaissent sa souveraineté dans leur vie, des gens qui se mettent au service de Dieu, sous une forme ou sous une autre. Ensuite, viennent les formes de prière. À partir de cette reconnaissance, je peux alors adorer, louer, hein? Adorer Dieu, louer Dieu par mes dons, mes talents et les passions qui m'habitent. À partir de cette reconnaissance, je peux alors l'adorer et le louer par mes chants, mes prières, ma méditation, par mon silence, ma contemplation, parce que c'est toutes des formes de prière. Le silence est une forme de prière. La contemplation. Alors, je peux entrer dans ces formes de prière si, premièrement, j'ai reconnu sa souveraineté et, deuxièmement, je me mets ou je reconnais le statut. Ça ne veut pas dire que je suis un serviteur parfait, mais je me mets en voie de. En conclusion, on va terminer par ça. Il y a un de mes interprètes, un chanteur aussi, puis il a fait plusieurs compositions, peut-être certains le connaissent, c'est un compositeur anglophone, Brian Duncan. J'ai fait un de ses disques, j'ai des vieux disques comme ça, des vieux CD, que j'écoute, que je réécoute, que je réécoute. Je ne suis pas tellement fervent des nouveaux CD chrétiens qui sont sur le marché. Je trouve redondant parfois, très peu profond. Brian Duncan a des bons chants bien réfléchis, dont une de ses compos qui dit I love you with my life. J'ai écouté ce chant-là 1000 fois, 2000, je ne sais pas. Il est dans mon auto, je l'ai à la maison, il est sur mon ordi. Je l'écoute souvent parce qu'il me parle. I love you with my life. I love you with my life. Je t'aime avec ma vie. Je ne t'aime pas seulement avec mes paroles, là. Je ne suis pas seulement en train de te dire, oui, Dieu, je t'aime. Mais si on peut s'arrêter au sens, là, au sens que Brian Duncan donne, I love you. I love you with my life. Ma vie t'aime. Je te montre par ma vie que je t'adore. Parce que je suis en train de servir. Ou en d'autres mots, j'ajoutais en bas, je t'aime avec du concret. For you today, because I do adore. adore you, I will not be afraid. Only watch and pray to see your glad return. I'll put my trust in you till my life is completed. To all as unto you, believing all you stated, I work to live in peace. In spite of tribulation, until you come again. Please know that I love you. Stay by your side, worship you in spirit. Dear Lord, be my guide. Don't let me suffer long, 'cause you have suffered for me. I love you with my life. Je t'aime avec du contraire. Pensez-vous que Mère Thérésa aimait Dieu par du contraire? Ouais. Je t'aime avec du contraire. Je ne me souviens plus qui a dit ça. Mais j'ai lu à quelque part. Quelqu'un te disait, ma vie est une prière. Ma vie est une prière. Moi, j'ajouterais, ma vie est une prière d'adoration. Notre vie devrait être une prière d'adoration. Parce qu'on revient à ce que Colin Brown disait, l'appel à la conversion pourrait se traduire par adore Dieu. Adore Dieu. Deviens un adorateur de Dieu. Prostineo Latour. Voilà pour ce matin. C'est la Saint-Valentin. Je pensais que ça fitait bien avec dimanche passé, puis dimanche. Aujourd'hui aussi, on est encore dans la semaine de la Saint-Valentin, de dire, de parler de l'amour. Je pensais au début parler de l'amour de Dieu pour nous. Mais on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu pour nous. Puis, je pensais donc, dans le cadre de la Saint-Valentin, parler de l'amour que nous, on a pour Dieu. Puis, aimer Dieu, c'est d'adorer Dieu, pas en parole seulement, mais par nos vies qui se mettent au service de Dieu, des autres, de son projet, de l'humanité, de la création. Que Dieu vous accompagne dans cette semaine.